إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ف on commence inshallah tout de suite dans la traduction de l'explication de l'introduction d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Et donc on est toujours sur l'explication du début de cette risala et plus particulièrement du début de cette introduction. Et donc dans le cours dernier, on a pris des points très importants. Et comme on l'avait rappelé, cette introduction concerne le domaine de la croyance. Et vous avez pu voir que ce que va mentionner l'auteur ici, ça fait partie des impératifs, des fondamentaux qu'il incombe à chaque musulman et musulmane de connaître. Ça fait partie du dogme, de la croyance des musulmans. Et c'est pour cela que l'auteur, à la base, qui rédige, comme on avait dit dans les cours précédents, une risala concernant la jurisprudence, le fiqh, ce que doivent connaître les musulmans, et en l'occurrence, ça a été écrit, comme on avait dit, pour des élèves, pour que cette risala soit enseignée justement à ces élèves, et ce qu'il fallait qu'ils connaissent de la jurisprudence et de la religion aussi, de la jurisprudence musulmane, ou plutôt de la jurisprudence de l'islam et de la religion de l'islam. L'auteur a introduit cette risala en mentionnant, on va dire, il a rédigé cette introduction dont le thème est la croyance. Et vous avez vu, ce qu'il mentionne, c'est des choses qui sont très très très importantes. C'est des choses qu'on ne peut ignorer. C'est pour ça que l'auteur a commencé par rédiger cette introduction. Et tellement elle est importante, et tellement elle est précieuse, et tellement les enseignements qui sont mentionnés dans cette muqaddima sont importants, on voit que les savants n'ont omis d'expliquer et de commenter cette muqaddima. C'est pour ça que beaucoup de savants l'ont expliqué, l'ont enseigné et l'ont pris comme modèle justement pour que ça soit un enseignement pour les générations futures. Donc on va continuer, c'est pour cela que c'est ce qui est mentionné dans cette muqaddima, ce sont des choses vraiment qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre et dont on doit maîtriser. Et comme on a dit dans les cours précédents, l'apprentissage de la croyance, de la aqida, de nos pieux prédécesseurs, de nos ancêtres, celui qui va apprendre cela, qui va comprendre la croyance de nos pieux prédécesseurs, de ce fait, il pourra distinguer entre une personne qui est partisan de la sunna et une personne qui contredit la sunna. C'est-à-dire une personne qui a une bonne croyance, une croyance qui est en conformité avec les enseignements du messager d'Allah, et donc cette croyance qu'on a héritée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nous ont enseigné les grands imams de cette communauté et nos salafs, parmi les compagnons et leurs successeurs. Le fait de maîtriser ce domaine-là, de maîtriser ces questions-là, vous allez pouvoir distinguer tout simplement entre une personne qui est sur la croyance de nos pieux prédécesseurs, sur la croyance que nous a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam, et entre une personne justement qui contredit la croyance de nos pieux prédécesseurs et qui n'est pas sur les enseignements de nos pieux prédécesseurs. Et de ce fait, il y a une grande faïda. Parmi les fawa'id qu'il y a dans le fait de pouvoir distinguer entre sahib sunnah ou sahib hawa, l'un parmi les bienfaits, c'est que, premièrement, on reconnaît le mérite. Et de ce fait, on va avoir cet amour réciproque. Le fait de reconnaître le fait que nos frères sont sur la croyance de nos pieux prédécesseurs. وَيَعْتَقِدُونَ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ. Ils ont cette croyance, et ils sont sur ces enseignements. Vous ne pouvez que aimer vos frères. Comment détester une personne qui est sur les enseignements de nos pieux prédécesseurs? Tu ne peux que apprécier cette personne, tu ne peux que aimer cette personne qui a adhéré à la croyance, au dogme que nous ont laissé nos pieux prédécesseurs et que eux-mêmes ont hérité de notre prophète, alayhi salat wa salam. C'est comprendre le Coran et la Sunna selon le voulu, ala muradillahi jalla wa ala, selon le voulu d'Allah et de son messager. On reste sur le terme en arabe, ala muradillahi jalla wa ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parce que notre compréhension du Coran et de la Sunna, elle doit être en cohérence, elle doit être en conformité avec les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comprendre le Coran ala muradillahi jalla wa ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc si vous constatez, voyez vos frères, walillahil hamd, qui aiment les compagnons du prophète alayhi salat wa salam et ne dénigrent point les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, si vous voyez vos frères ici unifier Allah jalla wa ala, croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans l'uluhiyya, que ce soit dans l'asma ou as-sifat, vous voyez vos frères éviter toute forme de polythéisme, que ce soit des formes de polythéisme à travers les paroles, les propos, à travers les actions, à travers les convictions. Alors lorsque vous voyez vos frères, vous voyez les musulmans d'une manière générale qui adhèrent à la croyance des pieux prédécesseurs, vous ne pouvez que les aimer. Vous ne pouvez que les aimer. Et justement, parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est pour ça que cette croyance-là unit les gens, unit les musulmans. Elle appelle au rassemblement, elle appelle à l'union. Et à plus forte raison, par exemple, un homme qui voit son épouse adhérer à la croyance des pieux prédécesseurs, agréer à la croyance des salafs, il ne peut que apprécier et aimer son épouse. Et pour ça, on ne peut que apprécier les femmes et les sœurs qui sont sur la croyance des pieux prédécesseurs. Donc bien comprendre l'aqida wa tawhid, ça va justement nous aider à nous aimer réciproquement. Et ça va nous aider ici à renforcer ce lien qu'il y a entre les croyants. Ce dont Allah Jalla wa Ala nous ordonne. Et de ce fait, on pourra distinguer réellement entre sahibu bid'a wa sahibu sunna, sahibu hawa wa sahibu sunna. Et là, on pourra faire la différence réellement entre un vrai partisan de la sunna et un partisan des passions, une personne qui adhère à l'innovation. On pourra faire la distinction. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont perdus. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui sont perdus et qui sombrent dans les polémiques. Ils sont perdus et ils se perdent dans les polémiques et tombent dans la confusion. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas véritablement appris aqidat as-salaf. Et on voit à chaque fois que des gens, souvent, qui viennent de pays étrangers et qui arrivent à se réunir autour de grands savants et qui arrivent à visiter les grands savants, on se rend compte parfois à travers certaines questions, à travers certaines exhortations de certains savants, on voit qu'en réalité, beaucoup de gens qui viennent voir les savants, en réalité, ils ont certaines questions qui sont dues au fait qu'ils ne connaissent pas la croyance des salafs, la croyance de nos pieux prédécesseurs. Et beaucoup de problèmes parfois, et beaucoup de gens qui sèment la confusion et qui perturbent leurs frères et leurs sœurs, c'est dû au fait qu'ils utilisent l'ignorance de nos frères et de nos sœurs. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est sur une science certaine et qui étudie, eh ben, ce domaine-là, et qui connaît ce domaine-là, il ne peut pas tomber dans la confusion. Il ne peut pas être dans une forme d'ambiguïté ou être perturbé. Pourquoi ? Parce que lui peut reconnaître, lorsqu'on lui dit un tel, par exemple, c'est un sahibu hawa, c'est un partisan de la bid'a ou de l'innovation, il n'est pas sur la sunna, lui du fait qu'il connaît la croyance des pieux prédécesseurs, il peut savoir et vérifier réellement est-ce que cette personne est sur la croyance des pieux prédécesseurs ou non. Mais sachez, et deuxième point, il y a des problèmes parfois, il y a des choses qui nous touchent parfois, en ce pays, en cette terre par exemple, à l'heure actuelle, que dans d'autres pays n'ont pas ces problèmes-là. Vous savez pourquoi ? Parce que dans d'autres régions, dans d'autres contrées du monde, les musulmans restent à leur place. Et les musulmans sont éduqués. Il n'y a pas ce fawda, ce désordre. Vous savez, par exemple, je vous donne l'exemple en Arabie. Par exemple, vous savez, Il y a des imams qui sont diplômés et qui sont imams. Et qui ont les compétences pour être imams. Il y a des juges dans les tribunaux. Il y a les ulamas, les savants, ceux qui ont atteint le degré d'être considérés là-bas comme savants. Il y a au-dessus d'eux ceux qui se nomment Hayt Kibar al-Ulama. Ici, c'est la permanence des grands savants, ceux qu'on nomme les grands savants, Al-Kibar, Hayt Kibar al-Ulama. Donc il y a les grands savants. Il y a celui qui se nomme Al-Mufti, le Mufti du pays. Vous savez, l'imam, malgré qu'il a des compétences, les imams là-bas, par exemple en Arabie, ont l'habilité, ils sont diplômés, certains d'entre eux sont des katira, sont des docteurs, ils ont des doctorats. Vous savez, eux, ils dirigent les prières et ils ont droit, après Salat al-Asr, de faire une kalima, de lire un livre en quelques minutes. Ça, c'est leur fonction, de diriger la prière. Et par exemple, après la prière du Asr, ça fait partie de leur habitude en Arabie que l'imam lit un livre. Généralement, ils lisent des livres de Cheikh Ibn Baz. Ça arrive que certains imams lisent les fatawas de Cheikh Ibn Baz, ou parfois ils lisent des commentaires, des explications de Cheikh Samahat al-Sheikh, Cheikh Ibn Al-Thaymin, Rahmatullahi alayhi, ou un kada. Et on voit que leur adès est de lire. Ils lisent. Ou souvent, par exemple, ils lisent Tafsir Sa'di, le commentaire du Coran, l'explication, l'exégèse du Coran de l'imam Sa'di. Ils lisent cela, ils lisent. Le vendredi, Al-Khatib, c'est le Khatib, justement, lui est envoyé par l'État. C'est l'État, ensuite, le vendredi, qui envoie Al-Khutaba, les prêcheurs du vendredi. Ce n'est pas forcément l'imam, celui qui dirige les prières, la semaine, l'imam de la mosquée, pas forcément. Parfois, c'est l'imam de la mosquée, mais souvent, Al-Khutaba, ils sont envoyés min qibali al-Dawla. C'est la Dawla qui envoie les imams. De ce fait, vous ne verrez pas, par exemple, un imam d'une mosquée, par exemple, rentrer dans les questions de divorce ou de mariage. Lorsqu'ils sont questionnés sur ces questions-là, ils renvoient ces questions soit au mufti ou au tribunal. Chez les juges qui sont habilités, et c'est leur fonction de répondre à ces questions-là. Tout ce qui est lié au qada. Vous allez voir même des savants, les savants en Arabie Saoudite, par exemple, lorsqu'on les questionne sur des questions, par exemple, de divorce, de mariage, ils renvoient souvent les questions, ils disent « revenez au tribunal, il a le mahkama ». Et les juges, justement, se chargent de répondre à ces questions et ils font des recherches, si ça demande des recherches, par rapport à ces questions. Tout est régi. Les grands savants aussi, lorsqu'ensuite il y a le domaine de le fatwa, les savants du pays reviennent aux savants qui sont dessus, qu'on nomme Hayt Kibar al-Ulama, ceux qui font partie de la commission permanente des fatawas et de la recherche de l'ifta. Hayt Kibar al-Ulama, avec à leur tête, parmi les membres, Sheikh al-Fawzan, par exemple, ou al-Mufti, à la tête. Et à l'époque, par exemple, du vivant de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Baz était le président de l'assemblée de l'ifta, lorsqu'il était le Mufti. Il y avait comme membre Sheikh al-Fawzan, il y avait Sheikh al-Rudayyan, ou Abdelzak al-Afifi, et d'autres grands savants du royaume. Vous voyez, lorsqu'il y a le domaine de l'fatwa et des questions qui demandent l'fatwa, un effort personnel d'émettre une fatwa, les ulama du pays reviennent au kibar. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Donc l'imam a sa fonction. Al-Khatib, le prêcheur du vendredi, a sa fonction. Le juge a sa fonction. Le savant a sa fonction. Les grands savants ont leur fonction. Le mufti a sa fonction. Personne n'empiète dans le domaine de l'autre. وهكذا التربية. إذا كان الإمام لا يتدخل في شؤون العلماء فما بالكم في العوام. Si les savants eux-mêmes, ou plutôt les imams, ne rentrent pas dans le domaine des savants, où les savants ne rentrent pas dans le domaine des grands savants, si les imams aussi ne rentrent pas dans le domaine des juges, Al-Qudat, quel est votre avis alors de la masse? Les gens de la masse. Les gens de la masse. On ne les voit pas dans nos pays. يتدخلون في هذه الأمور. Ils rentrent et ils parlent et ils discutent et ils bavardent avec du badinage. Non, ça n'existe pas. Tout est régi, tout est organisé. Chacun son domaine. À la différence d'ici, tout le monde parle. Et la majorité, ensuite, ils sont sur Internet. Vous voyez, par exemple, en Arabie, des inconnus qui envoient des messages. Et que la société va accepter le message de ces inconnus. En Arabie, ils ont l'ulama ou le mashir. Ils ont leur savant, ils ont le mufti. S'ils ont un problème de mariage, de divorce, de ces questions-là, par exemple, ils ont des conflits, par exemple, du voisinage par rapport à leur terre, on leur a pris une partie de leur terre. Ils vont au tribunal. Ils vont pas demander à leurs voisins. Wahakada. Et nous, nos jeunes, ici, en France, tout ce qui vient sur Internet est pris comme vérité. Alors parfois, il suffit qu'une personne, on n'a jamais entendu parler de lui. On n'a jamais entendu son nom. Il poste un message, il met son nom en bas, et subhanallah, ça crée tout un étonnement. Et les gens propagent. Wahakada. Apprenez la discipline. Apprenons la discipline. C'est pour cela que ceux qui vont étudier chez les savants et ceux qui sont réellement éduqués chez les savants, alors ils se doivent d'être disciplinés. Et c'est cela qui nous est demandé, le bon comportement. Ensuite, il ne faut pas inventer des choses dans la religion. Vous savez, beaucoup de nos frères de la sunna, on a beaucoup remarqué en France par exemple, il y a des choses que vous pensez que c'est de la sunna, on vous a inculqué ces choses-là que c'est de la sunna, ça ne fait pas partie de la sunna, ça ne fait pas partie de la religion. Le fait que beaucoup de nos frères ou de nos sœurs, parce qu'ils ont la sunna, parce que, mashallah, ils sont en apparence, ils pratiquent la sunna, ils pensent que, alors, il y a eux, les gens de la sunna, Atba' al-Salaf, par exemple, et tout le reste, c'est l'awam. Alors, eux, ils se différencient de fait qu'ils pratiquent la sunna, ils pensent que tout le reste de la communauté, c'est l'awam. C'est-à-dire que la différence entre eux et le reste, ceux qui ne pratiquent pas la sunna, avec ferveur, comme eux le font, ils pensent que tout cela, c'est l'awam, et que eux, c'est les gens de la sunna. Là, antam min al-awam. Non, toi, tu fais partie de ces gens. Tu fais partie de la masse. Vous faites partie de la masse. Qui est-ce qui vous a dit que vous, vous êtes une catégorie et que tout le reste, c'est la masse? Man qala lakum hada. Certains vous ont dit cela, c'est faux. Et comme cela, des jeunes ont été éduqués sur ces principes-là qui sont faux. Il n'y a pas écrit ça dans le Coran ni dans la Sunna. Cherchez dans les livres des ulama. Mafi, il n'y a pas cela. Ça n'existe pas. On fait partie de la masse. Soit tu es alim, talib al-ilm, mutamayyiz, mutamakkin. Soit tu es un savant, un grand étudiant. Tu t'es distingué par ta discipline, par ta science, par ton comportement, par ton savoir-faire, par ton expérience, par le fait de savoir garder le silence lorsqu'il faut garder le silence et savoir parler lorsqu'il faut parler, idha kunta min ahli al-ilm, si tu fais partie des gens du savoir et du ilm et de l'application de cette science, alors là tu fais partie des gens du savoir. Naam. Mais quand tu es pas sahib al-ilm, tu n'es pas un savant, tu n'es pas un talib al-ilm mutamakkin, alors on fait partie des gens de la masse, comme les autres. C'est pour cela que la compréhension de la croyance, ça va éviter d'être perturbé. Parce que Shaitan, sachez que il sait que vous êtes dans un bienfait immense. On est dans une ni'ma. On est dans un grand bienfait. Ni'mat al-Islam, ni'mat al-Istiqama, ni'mat al-Da'wa, ni'mat al-Iman, ni'mat al-Ibada. Nahnu fi ni'matin 'azima. On est dans un bienfait immense. Allah nous a guidés dans le droit chemin, le bienfait de l'islam, le bienfait de la darwa, le bienfait de la droiture, le bienfait de l'iman, le bienfait de pouvoir l'adorer, subhanahu wa ta'ala, ni'mat al-talab al-ilm, le bienfait d'apprendre la science, d'être en quête de savoir, le bienfait d'écouter ses enseignements. Vous savez, les livres qui sont entre nos mains, hawla kutub al-ulama, ce sont les livres des savants. Et nous traduisons les enseignements des savants, qui sont eux-mêmes les héritiers du prophète, alayhi salatu Ça, c'est un bienfait immense. Lakin, mais, Shaitan, vous pensez qu'il ne va pas essayer de vous perturber? De dissiper ses bienfaits de vous? De vous éloigner, de vous écarter de ses grands bienfaits? Il va essayer, à tout prix. Et donc, pour vous perturber, il va utiliser des perturbateurs. Des corrupteurs. Alladina yufsidun. Wa talib al-ilm. Et l'étudiant en science, celui qui va apprendre, le musulman, la musulmane, il sait qu'il est dans un bienfait, alors il fait des efforts pour bien comprendre sa religion. وَلَا يَلْتَفِتِ لَهَذَا مِنَ الْجُهَالِ وَلَا يَلْتَفِتِ لَهَذَا مِنَ الْجَهَالَ. Et ni il porte d'attention aux ignorants, ni il porte d'attention aux perturbateurs, وَلَا يَلْتَفِتِ لَهَاوْلَا. Et c'est comme cela le fait d'être discipliné. Regardez ces questions maintenant, très importantes. Donc on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la croyance que nous enseigne l'auteur, Allah n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'a pas besoin qu'on s'associe à lui. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur nous explique qu'Allah jalla wa ala n'a pas de compagne, n'a pas d'enfant, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, dans le sens, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit, pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas besoin d'enfant, et Allah n'a pas besoin de compagne. Allah se passe d'avoir une compagne ou d'un enfant. On n'avait pas parlé des raisons par rapport à cela. Et donc on a dit, Allah Jalla wa Ala ne peut pas avoir d'associé. Personne ne peut s'associer à lui dans la création des cieux et de la terre, dans la création des hommes, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il n'y a pas de sorte de, comme on pourrait dire en français, de sorte de partenariat. Allah Jalla wa Ala n'a pas de partenaire, subhanahu wa ta'ala. L'être humain, la créature, a besoin de partenaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de partenaire. Allah est le seul à avoir créé subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que c'est très très pertinent comment commence l'auteur. D'abord, il nous démontre ici la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous démontre ici at-tawhid, l'unicité dans la seigneurie, dans l'uluhiyya, dans l'esma wa sifat. Allah, personne s'est associé à lui dans la seigneurie, dans la création. Alors personne ne mérite de s'associer à lui dans l'adoration. Personne ne peut être associé à Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. Vous avez vu cette muqaddima déjà? Si on l'a compris, alors le musulman qui a compris cela, alors il sait qu'il ne peut pas vouer une forme d'adoration, telle que soit cette adoration, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si il médite les différentes particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les adorateurs de saints et de tombes, lorsqu'ils adorent le mort qui est enfoui dans cette tombe, alors il doit se remémorer et se dire que ce mort, en réalité, est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'associer dans le culte? Comment l'associer à Allah jalla wa ala dans l'adoration? Ensuite, hier, on avait terminé avec une question très importante. Lorsque l'auteur nous dit que, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ces mots, il n'y a pas de commencement à son antériorité, ni de fin à sa postériorité. Et on avait expliqué ce passage-là en disant qu'Allah jalla wa ala est le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala, différemment à ses créatures, nous, comme nous avait expliqué, et on avait pris cela du commentaire du grand savant Cheikh Abd al-Mohsin al-Abbad, parce que vous savez, comme là, c'est des sujets, on va dire, c'est des questions qui sont subtiles. On ne peut pas parler sur Allah subhanahu wa ta'ala comme bon nous semble. On ne peut pas ici faire un effort de réflexion, un effort personnel pour parler au sujet d'Allah. Là, on parle au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit dans le cours d'année, comme on va apprendre, on a dit on ne peut s'imaginer le comment de ses attributs subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir et sans science. Pour cela, ce sont des sujets qui demandent de la rigueur, qui demandent réellement et véritablement de revenir aux enseignements de ceux qui maîtrisent ces questions-là. C'est pour cela que ici, on ne s'aventure pas. On traduit ce que les savants nous enseignent Parce que ce sont des sujets subtils. On est en train de parler au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas des choses à prendre à la légère. On parle de notre créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans son commentaire, il explique très simplement, lorsque Ibn Abi Zayd, alors il a cité qu'Allah Jalla wa ala est le premier et le dernier, hein, en résumé, c'est dans le sens que lam yasbiqhu adam, on a dit. Il n'a point été précédé par le néant, contrairement à la créature. Avant notre existence, notre existence a été précédée par le néant. Mais Allah a toujours existé, subhanahu wa ta'ala. Il est l'éternel, subhanahu wa ta'ala. Sans début et sans fin. Et on a même dit, Shira, dans son commentaire, c'est pour ça que parfois, à la base, on lit le commentaire de Shira al-Fawzan, et parfois il y a des très belles annotations, hein, dans le commentaire, je vous réfère au commentaire de Shira Abdel Mansal Abed, il y a des très très très belles annotations de Shira Abdel Mansal Abed. Et on voit vraiment que les savants ont une maîtrise. D'ailleurs, c'est connu. Les savants du royaume ont une maîtrise en ce qui concerne, ils sont célèbres. Ils sont célèbres, ils ont vraiment accordé une importance particulière. Le fait qu'ils sont les héritiers de la darwa du noble et illustre et éminent imam al-Muslih al-Mujaddid, plaise ou déplaise. Hein. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Nous ne suit pas. Nous ne sommes pas des suiveurs d'une certaine philosophie ou des avis individuels. Nous ummatu dalil. Nous sommes la communauté de l'argument et du texte. Des textes, les preuves textuelles. Madame, tant qu'un savant, dans ses enseignements, nous rapporte les textes du Coran et, dans la, et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, فَنَحْنُ نَقْبَلَ الْحَقِّ كَيْنَنْ مَنْ كَانْ. On accepte la vérité, tant que les versets nous sont enseignés, la Sunna nous est enseignée nous, avec les enseignements de nos pieux prédécesseurs. Ensuite, si les enseignements des pieux prédécesseurs, les enseignements des meilleures générations, des meilleurs de cette communauté, gênent et vont à l'encontre des pensées personnelles de certains, ou de la raison de certains, ou de la philosophie de certains, ou de la conception de voir les choses de certains, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent voir les choses autrement, s'ils veulent avoir une autre conception que celle de nos pieux prédécesseurs, c'est leur affaire. Lakin nahnu nurid an nafham, on veut comprendre notre religion à la lumière des enseignements des meilleures générations, des meilleurs êtres de cette communauté. Hakada. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des très très belles annotations. Donc, comme on doit avancer entre livres, ça permet que je ramène des très belles annotations de Cheikh Abdelmohsen Al-Abbad Hafidhullah. C'est pour cela qu'il dit que, il a fait une petite annotation qu'on avait dit la fois dernière, il disait que, il considérait Cheikh Abdelmohsen Al-Abbad, il dit que la manière dont s'est exprimé Ibn Abi Zayd dans la Muqaddima, sur ce sujet-là, il l'a préféré, Cheikh Abdelmohsen Hafidhullah, il dit qu'il l'a préféré quand même, par rapport à l'expression qui est mentionnée dans At-Tahawiyya, dans l'Aqida At-Tahawiyya. Pourquoi ? Parce que il a quand même repris les termes qui sont mentionnés dans le hadith qu'on a cité la fois dernière, lorsque le prophète justement nous a expliqué, le prophète a expliqué Al-Awwal. Lorsqu'il dit « Anta al-Awwal falaysa qablaka shay » Tu es le premier. Et le prophète nous a expliqué, lorsqu'on dit qu'Allah est le premier, Al-Awwal, on va rester sur le nom, sur le terme, Al-Awwal, Al-Awwal. Quel est le sens de Al-Awwal? Le prophète en somme nous a enseigné que ça veut dire « Falaysa qablaka shay »« Laysa qablaka shay » »« Il n'y a rien eu avant toi. » Allah est le premier, subhanahu wa ta'ala. « Laysa qablahu shay » »« Wal-akhir » Et le dernier, « Al-akhir » Quel est le sens de ça? Le prophète en somme nous a expliqué, c'est dans le sens... Apprenez-le, falaysa ba'daka shay. Il n'y a rien après toi. Fallahu jalla wa ala huwa al-awwal wa huwa al-akhir. Si on peut traduire en français, hein, d'une manière toujours rapprochée, le premier et le dernier dans ce sens. Subhanahu wa ta'ala. Allah est l'éternel, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on avait expliqué donc que, ensuite, Sheikh Al-Fawzan, on revient à l'explication de Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit, et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rien n'échappe à son savoir. Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout par son savoir, subhanahu wa ta'ala. Allah sait tout. Tes actes, tes paroles, tes intentions, Allah les connaît, subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe au savoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne, par exemple, connaît nos intentions? Une créature peut connaître les intentions d'une personne, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans son cœur. Là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la science de l'invisible. Et la science de l'invisible, la connaissance en la science de l'invisible, ça fait partie des particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a point d'associé dans ce savoir. Il n'a point d'associé. Il n'y a pas cette notion de partenariat avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ensuite, Shir nous dit que il y a des choses dont Allah nous a donné du savoir. Et dont Allah nous a, il y a des choses dont Allah nous a donné la connaissance. Mais il y a des choses dont Allah nous a pas donné la connaissance. Et ça, il faut savoir ces choses-là dont Allah, Jalla wa ala, nous a donné la connaissance et le savoir de ces choses-là. Et des choses dont Allah, Jalla wa ala, nous a pas donné le savoir de ces choses-là. Ce dont Allah, Jalla wa ala, nous a pas enseigné et donné le savoir de ces choses-là, il ne faut pas essayer de chercher. Il ne faut pas essayer de discuter. Comme l'ont fait, par exemple, les philosophes, par exemple, les spécialistes de la théologie spéculative, de la dialectique, sur ces sujets-là. Il ne faut pas. Par exemple, Shir nous dit, Allah Jalla wa Ala nous a pas, par exemple, enseigné le comment de sa parole. Comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala parle? On ne sait pas. Al-Kaif, on ne le connaît pas. Allah Jalla wa Ala nous a pas enseigné comment. Le comment est-ce qu'il voit? Le comment est-ce qu'il entend? Wallahu a'lam. Al-kayfiyya la nadri. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait? Par contre, ce qu'on sait, c'est le sens et la signification. Ça, par contre, Allah Jalla wa Ala nous a donné la connaissance du sens et de la signification. C'est pour ça que Shir ici va nous expliquer. Lorsque, par exemple, l'imam Malik, un homme l'interrogea en lui demandant « Comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala s'est élevé, s'est établi au-dessus de son trône ?» L'imam Malik alors a commencé à rougir, à transpirer. Et Shir va nous expliquer, et cela par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'imam Malik dit que « Al-istiwa ma'loum » que le fait qu'Allah s'est élevé, établi au-dessus de son trône, cela est ma'loum, est connu. Al-istiwa. Yarni, son sens, c'est-à-dire sa signification, et son sens, c'est connu. Fa istawa ala al-arsh ma'nahu ala wartafa'a. Le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône établi, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala s'est élevé. Tafadhal cheikh. Allahu akbar, Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة. Donc l'imam, alors, il dit que le sens de l'istiwa est connu, c'est-à-dire sa signification. Tandis que al-kayf, cela est inconnu. Al-kayf, le comment, la manière, ça c'est quelque chose qui nous est inconnu. Allah Jalla wa Ala nous a pas donné le savoir de cela et la connaissance de cela. Par contre, il dit al-imanu bihi wajib. La croyance en cela est une obligation. Et questionner, interroger à ce sujet-là, il dit c'est une innovation. Et de là, il demanda qu'on fasse sortir cet homme, car l'imam Malik l'a considéré comme un partisan de l'innovation, par rapport juste à sa question. Et de ce fait, regardez ce que dit ensuite l'auteur. Ce sont des paroles très lourdes de sens. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, et on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ceux qui réfléchissent tirent le son de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Subhanahu wa ta'ala. Alors là, c'est un très bon enseignement que ici Ibn Abi Zayd mentionne ici dans cette muqaddima. C'est-à-dire que quoi que puisse penser l'être, la créature, malgré sa réflexion, malgré sa méditation, tu ne saurais savoir le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourrais savoir comment est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, si ce n'est avec Allah, si ce n'est le fait de revenir aux enseignements du Seigneur. Ce qu'Allah Jalla wa'ala t'a donné comme enseignement et comme savoir. Sinon, une personne peut rester, méditer, réfléchir, il ne saurait connaître son Seigneur sans revenir à ce savoir, à cet enseignement, à ces informations qu'Allah Jalla wa'ala nous a donné à son sujet, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Ashir dit فلا يحيط بشأنه سبحانه وتعالى المتفكرين أو المتفكرون مهما تفكرت في الله جل وعلا في ذاته وفي أفعاله وصفاته وأسمائه لن تنتهي إلى غاية لن تنتهي إلى غاية ما عليك سوى الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته والوقوف عند هذا ولا تسأل عن الكيفية. Donc tu dois t'abstenir de rentrer dans des domaines, ces domaines dont Allah Jalla wa'ala ne t'a pas donné de savoir et de connaissance. Tu dois t'abstenir et t'arrêter. Ne cherche pas à comprendre. Et il dit, par contre, regardez ce que dit l'auteur ensuite, il dit, ceux qui réfléchissent tirent le son de ces signes. Par contre, la bonne réflexion et méditation, c'est, par exemple, l'observation des signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, les signes, on les appelle al-ayat. Al-ayat. Ou al-ayat, Shir va nous expliquer que les signes, al-ayat, tanqasimu ila qismain. Al-ayat al-kawniya, ou al-ayat al-shar'iya. Al-ayat al-kawniya. Donc, il faut plutôt réfléchir, observer, méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-ayat. Et Cheikh va nous expliquer ici que les ayat, les signes, se divisent en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-ayat al-kawniya, donc Écrivez bien cela, prenez bien cela, très important. Al-ayat al-kawniya, qu'on pourrait traduire par les signes universels, si vous voulez. Wal-ayat al-shara'iyya, les signes religieux, légiférés, textuels, ici. Et de ce fait, al-ayat al-kawniya, ces signes universels, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Observez les cieux, as-samawat, wal-ard, observez. Méditez, réfléchissez. Vous savez, dans votre création, vous allez voir les signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre être, votre personne, votre corps, c'est la preuve de l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. Si vous méditez, vous observez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute la création d'Allah, dans chaque être, il y a une preuve de l'existence du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Regardez votre création. Comment est-ce qu'Allah jalla wa ala a parfait cette création? Regardez la perfection de cette créature. Regardez la perfection de cette création. Regardez la création des cieux et de la terre, la création des océans, de la mer, des êtres vivants. En tout cela, il y a des signes qui prouvent l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. En vous-même, si vous réfléchissez sur votre création, sur vous-même, vous verrez que dans toute chose, il y a des signes prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذِهِ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَهَذَا هُوَ التَّفَكُّرِ. Et c'est ça ce qu'on appelle التَّفَكُّرِ. يَتَفَكَّرَ الْإِنسَانِ. Que lorsqu'on dit que l'individu réfléchit, réflexionne, il médite les signes universels d'Allah. C'est de cette manière-là. C'est pour cela que les savants, et même avant les savants, dans le Coran, Allah Jalla wa Ala incite, exhorte les gens à réfléchir, à observer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, vous allez voir que lorsque vous observez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien vous allez voir que tout cela, ce sont des signes et des preuves prouvant l'existence du Seigneur. C'est pour ça dans un poème, il est dit dans un vers, فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ. Très beau vers. Il est dit en toute chose. En toute chose. Vous méditez la création d'Allah, vous verrez qu'il y a des signes, des preuves prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie des signes. الْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. Les signes religieux. Ce sont les textes, le Coran, Kitab Allah. Par exemple, le Coran, lorsque vous lisez le Coran maintenant, et vous faites la distinction, le Coran est un miracle. Allah Jalla wa Ala a descendu ce livre. Celui qui le médite, celui qui lit les versets, qui réfléchit, qui réflexionne, qui médite les versets, qui essaye de comprendre les versets d'Allah Jalla wa Ala dans son livre, alors là, il verra que ces versets sont des preuves prouvant l'existence d'Allah, l'immensité d'Allah, la perfection d'Allah, la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux, huwa ar-Rahman, ar-Rahim, al-Wadud, al-Jabbar, al-Azim, al-Kabir, subhanahu wa ta'ala, qu'il domine tout, qu'il cerne tout de son savoir, subhanahu wa ta'ala. Alors, observez, ces deux catégories de signes. Vous vous rappelez, on appelle ça Al-Ayat Al-Kawniya ou Al-Ayat Al-Shara'iyya. Maintenant, vous allez mieux comprendre. Regardez cette très belle parole. C'est pour cela, je conseille les frères de cette Muqaddima d'essayer de l'apprendre. D'essayer de l'apprendre. Parce que regardez, lorsque vous l'apprenez, et ensuite vous comprenez l'essence, et ensuite vous pouvez rechercher ensuite dans les explications des savants, il y a beaucoup de sens qui sont ensuite expliqués. Regardez l'auteur maintenant, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'il dit. Lorsqu'il dit, on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Et ceux qui réfléchissent tirent leçon de ces signes. Vous avez vu? Il dit, ceux réellement qui réfléchissent, qui observe comment كيف يعتبرون بالتفكر في آياته. Eux, ils vont vraiment ici tirer des leçons en observant, en méditant les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient universels, al-ayat al-kawniya, ou bien qu'il soit Sharia. Tu regardes ce monde, tu observes, tu contemples les signes universels. Tu lis le livre d'Allah, tu es en train d'observer, réfléchir, méditer sur les signes religieux, les textes. Et pour terminer, donc regardez, et l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Et on termine, il dit, alors ceux qui réfléchissent tirent leçon de ces signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Ils ne méditent pas sur la nature de son entité, de son essence à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on a dépassé de Kenziyada d'Akhiratayn, fa na'atazir. Fa, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on continuera, Inch'Allah, et on essaiera, Inch'Allah, de commencer à 18h30. Comme ça, on aura plus de temps, puisque les sujets sont très importants. C'est des sujets très importants. On essaiera, Inch'Allah, de commencer à 18h30. والله أعلم وبالله التوفيق فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك